les centrales nucléaires qui vont faire exploser la Terre. J'en ai rien à foutre, j'en ai rien à foutre. La mer du Nord qui est tellement polluée qu'on ne sait même plus y mettre les pieds. J'en ai rien à foutre, j'en ai rien à foutre. Allez voter pour des politiciens qui nous prennent vraiment tous pour des chiens. J'en ai rien à foutre, j'en ai rien à foutre. Les alcooliques qui conduisent leur voiture, qui vont se cracher plus loin dans un mur. J'en ai rien à foutre, j'en ai rien à foutre. Vous ne pouvez pas savoir à quel point j'en ai rien à foutre. L'état de multiplication, avoir une bonne éducation. J'en ai rien à foutre, j'en ai rien à foutre. La crise économique, les entreprises en faillite. J'en ai rien à foutre, j'en ai rien à foutre. Tirer la chasse des WC, une fois que j'ai été pité. J'en ai rien à foutre, j'en ai rien à foutre. Mes musiques sont toutes à chier, en plus je ne sais même pas chanter. J'en ai